Coca-Cola, Milo, je me présente, bonjour. La pied dans le purac et je me présente à l'école, j'étais jamais présent, c'est un choix de vie. J'ai promis que j'allais m'en sortir et de ne pas finir en prison. Deuxième choix de vie, plein de trucs dans les poches, on veut la belle vie. C'est nous les best, yes. J'suis pas là pour plaire mais j'te plains, yes. Tu me reconnais quand j'lâche des gros, yeah. Quand t'y qu'est prêt on reste toujours yes. La dégaine est là, je suis allé là. La dégaine est là, je suis allé là. Passe le bon choix dans la vie, car la vie elle n'est qu'un film. Y'a toujours à la charge de Wari, qui compte réinvestir au pays. On veut tout prendre et porter le hasard. J'ai connu de Panama, Dakar. Donc pour ça on se lève, on se couche tard. On n'a pas le temps, on t'appellera plus tard. La belle vie, on fait tout pour avoir la belle vie. On veut la belle. La belle vie, on fait tout pour avoir la belle vie. On veut la belle. Brasser, brasser, brasser, on veut la belle vie. On veut la belle. La belle vie, on fait tout pour avoir la belle vie. Ouais, bitch, si je me baigne dans la piscine, je suis un mec trop difficile qui est attiré par le fric. Y'a des putains de clients qui ont fait glisser des brosseurs. Le million, c'est ma cible, donc je vais sauver à la mairie. Le terrain est glissant, une cagoule, une paire de gants. La vie de chacun, fils, je vais l'arracher comme un que ça. La mort ne prévient pas, mais la juge est à l'air. T'es balèze, 9 mm qui causera ta perte. C'est la gâchette facile comme ce Django de merci. Le poster aura pas de paix, c'est dommage et triste à dire. Mais gros, je fais pas la prière. Au quartier, y'a la hesse, la moitié du Tchekar au head. On fasse le bon choix dans la vie, car la vie elle n'est qu'un film. Et toujours à la charge de Wari, qui court réinvestir au pays. On veut tout prendre et porter le brassard. Des colis de Panama, Dakar. Donc pour ça on se lève, on se couche tard. On n'a pas le temps, on t'appellera plus tard. La belle vie, on fait tout pour avoir la belle vie. La belle vie, on fait tout pour avoir la belle vie. Brasser, brasser, brasser, on veut la belle vie. La belle vie, on fait tout pour avoir la belle vie. Les gueules dans les euros comme Itachi. La noche je fais le tour de ma ville. Totalement j'ai pas de plus fait qu'elle gâchée. La rue nous a prouvé qu'il n'y a pas d'armée. Que la famille je donne en 4 familles. Fais pas le tonnier, on sait que c'est de la farine. Je bagarre, je me prends pour obélisque. T'embrasse nos aides majeures pour la police. Oublie pas qu'un petit ça grandit. Depuis que c'est rentré j'ai plein d'amis. Depuis que c'est rentré j'ai plein d'ennemis. Et ouais l'ancien me l'avait prédit. On fait avec que veux-tu que je dise. On fait avec que veux-tu que je dise. Un drama tu fermes mes valises. Ramener la famille au pays. Fasse le bon choix dans la vie, car la vie elle n'est qu'un fil. Et toujours à la charge de Wari, qui compte réinvestir au pays. On veut tout prendre et porter le brassard. Des colis de Panama, Dakar. Donc pour ça on se lève, on se couche tard. On n'a pas le temps, on t'appellera plus tard. La belle vie, on fait tout pour avoir la belle vie. On veut la belle. La belle vie, on fait tout pour avoir la belle vie. On veut la belle. Brasser, brasser, brasser, on veut la belle vie. On veut la belle vie. La belle vie, on fait tout pour avoir la belle vie. On veut la belle.